La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine de la compagnie des auteurs. Jusqu'à jeudi, nous nous attarderons à compter des diamants gros comme le Ritz et des bouteilles de whisky autour de la figure de Francis Scott Fitzgerald dans une série proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanal, Rafik Zénine et Nicolas Slimani. Alors oui, bien sûr, nous croiserons au cours de cette semaine beaucoup de bouteilles de champagne et quelques Rolls, mais il y aura surtout cette fêlure qui constitue le centre de la vie et de l'œuvre de Fitzgerald, ce trou noir auquel il a tenté d'échapper, ce mal existentiel que seul un tourbillon de couleurs, de musique, de fêtes et de poésie ont pu parfois venir dissiper sans jamais totalement le faire disparaître. Et de l'autre côté de la fêlure, il y a bien évidemment Zelda, Madame Fitzgerald, dont Gilles Leroy nous parlera jeudi, au cours d'une émission durant laquelle nous replacerons également l'écrivain au sein de la littérature américaine de son temps. La veille, mercredi, nous nous serons penchés sur deux de ses plus grands livres, Gatsby et Tendre et la nuit. Ce sera avec la traductrice Julie von Wolkenstein. Et demain, nous parcourrons un certain nombre des thèmes de son œuvre avec Elisabeth Bouzon-Villers. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre émission biographique, nous recevons Liliane Kerjean. Elle a publié beaucoup de biographies d'écrivains américains comme Tennessee Williams ou Truman Capote dans la collection Folio Biographie chez Gallimard. Elle a aussi raconté la vie d'Abraham Lincoln et de George Washington, toujours dans cette même collection. Et puis, aux éditions Albin Michel, cette fois en 2013, elle a publié Fitzgerald, le désenchanté, où elle pose notamment la question de savoir pourquoi Fitzgerald nous fascine autant. Et c'est aussi ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Il avait une échelle de valeur tout à fait personnelle dans laquelle l'écrivain était au premier rang. Il avait repris à son compte ce que Fortnum d'Oxford disait de Henry James. Henry James est le premier écrivain de son temps, donc c'est le premier personnage de son temps. Et quand lui-même, Scott Fitzgerald, était oublié, enfin, dans la dernière partie de sa vie, où ses livres n'étaient plus en vente, où plus personne ne savait qui il était, où les jeunes qui se souvenaient de lui le croyaient mort, eh bien, quand il allait quelque part, il vivait à Hollywood à l'époque, et pour se présenter, il disait « Je suis Scott Fitzgerald, l'écrivain ». Jacques Tournier évoquant l'écrivain Fitzgerald, car Fitzgerald était avant tout un artiste et un poète. Bonjour Liliane Kerjean. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous fascine tant chez Scott Fitzgerald ? C'est une très bonne question. Vous l'avez posée dans votre livre. Je la pose à mon tour. Je crois que ce qui fascine, c'est son ambiguïté. D'une part, il est tout à fait brillant et au fond de la dépression. Il est à la fois très américain et assez international. Et il a une intelligence lucide, ce qui l'amène évidemment à reconsidérer à la fois le temps qui passe, ses contemporains et toute l'Amérique. Mmh. Ce qui nous fascine, c'est peut-être aussi ses fêtes, et son écriture surtout. Et son écriture aussi. Et son écriture, parce mais que c'est les deux Gatsby, à la fois. Voilà. Les fêtes, il a vécu un grand moment de fête pendant une bonne dizaine d'années à New York et sur la Côte d'Azur. Mais sa vie n'a pas été qu'une fête. Simplement, il est enthousiaste, il a l'appétit des premiers temps, une sorte de jeunesse éternelle qu'il veut absolument garder. Et au fond, ça remonte à son enfance, parce que il faut bien voir que d'abord, c'est un enfant de remplacement. Il naît après la mort de deux petites sœurs, donc le deuil et la crispation sont déjà chez lui quand il arrive. Et après lui va naître une petite fille qui va également mourir, et enfin une fille qui va être sa proche sœur. On voit donc que dès le départ, Fitzgerald a intégré le fait qu'il est le garçon de la famille, donc c'est un garçon extrêmement choyé, extrêmement brillant. C'est et un petit lord, vous dites. Un petit lord, parce que c'est un bel enfant. D'abord, il est blond, il est très soigné. Mm-hmm, il a sa petite mèche comme ça sur le côté. Sa petite mèche, c'est sa petite raie. Il s'attache aux détails. Et c'est-à-dire, pour lui, le détail, c'est l'effet à produire. Et il sera comme ça toute sa vie. Mm-hmm. Et lorsqu'il écrit à sa sœur pour lui donner des conseils, eh bien, il parle à la fois de ses cheveux. Donc, coiffe-toi bien, va voir la fille la mieux coiffée de ton école et elle va te donner des bons conseils. Fais très attention à ta conversation, mets les autres en valeur, sois un ornement pour qui te sort. Et puis également, prends en compte tes atouts et développe-les. Donc c'est un observateur extrêmement précis, c'est un homme méticuleux. Lorsqu'il est dans l'armée, eh bien il cire ses bottes et il porte ses éperons. Mmh. Il n'a pas grand-chose d'autre à faire, il faut dire. Il n'a pas d'autre chose à faire. Il ne fera pas vraiment la guerre dans l'armée. Oui, et puis en fait, il est quand même dans des campements au Kansas ou bien dans l'Alabama. Mais dans l'Alabama, ça va être la belle rencontre avec Zelda. Mais de toute façon, c'est un dandy. C'est un dandy qui naît à Saint-Paul, dans le Minnesota, le dimanche 24 septembre 1896, à 3h30, au foyer de Mrs. Edward et Mr. Edward Fitzgerald, au 481 Laurel Street. Je cite tout ça parce que c'est ce qui avait marqué sur le faire-part. Hein, oui, un petit faire-part très fleuri, avec un petit paysage en fond. Alors, c'est la capitale de l'Étoile du Nord, cet état du Minnesota. Il est situé sur les terres anciennes des Sioux. Il y a une histoire aussi dont t'es porteur, une histoire peut-être territoriale dont t'es porteur Fitzgerald. Fitzgerald est très sensible à l'histoire. D'abord, sa mère vient de la vieille aristocratie américaine, elle est une puissance d'argent et elle est la fille d'un bagna local. Oui, depuis le XVIIe siècle, la famille du père est américaine. Oui. Et la famille de la mère, en revanche, est arrivée, je crois, plus récemment. Oui. Mais elle a fait fortune. Elle a fait fortune. Et la famille du père, d'origine irlandaise, représente plutôt les valeurs chevaleresques, l'élégance, le maintien. Et donc, c'est un couple assez mal assorti. Donc, dès le départ aussi, il y a non seulement le deuil, la tension dans le couple, et puis c'est cet argent qui est à la fois tout puissant chez la mère et qui va manquer au père puisqu'il va faire faillite. Mmh. Donc, la chute du père et l'ascension de la mère. Oui, et le regard aussi de la famille de la mère sur la famille du père, qui est un regard qui va du haut vers le bas. Va du haut vers le bas, mais le père compense en disant finalement, j'ai des ancêtres valeureux, l'un d'entre nous a écrit l'hymne national aux étoiles, Star Spangled Banner, et puis un autre a été médecin, il a fait des vaccinations gratuites. Donc il y a une générosité, il y a une échelle de valeur dans la lignée du père qui n'existe absolument pas chez la mère. Mais du coup, la question des classes sociales, qui sera toujours très importante dans la littérature de Fitzgerald, elle se pose dès dans sa propre famille. Et avec la faillite du père, évidemment, ils ont peur. Et ils sont à Buffalo, ils sont obligés de revenir chez la grand-mère, vivre à Saint-Paul. Voilà. Donc c'est un peu l'humiliation et puis après ils vont remonter. Mais... Oui, parce que le père n'est pas un très bon professionnel de sa profession. C'est pas un bon commerçant comme le côté de la mère. Oui. Alors ce père, malheureusement, il va mourir assez jeune. Oui. Il a 44 ans. Ils sont très très liés, le père et le fils. Mmh. 44 ans, c'est à peu près l'âge aussi auquel mourra Fitzgerald. Et donc, il se retrouve avec sa mère, veuve, les quatre enfants, ceux qui restent. Et là, vous dites que il y a une atmosphère qui est une atmosphère de piété, de dévotion, de religion, et en même temps, une atmosphère romanesque que l'on trouve à cette enfance de Fitzgerald. Oui, parce qu'on le met immédiatement dans des écoles catholiques, et il va faire toute son éducation jusqu'à Princeton, chez les frères catholiques. Et finalement, il intègre bien toutes ces structures morales et ça va le constituer de manière assez ferme, contrairement à sa mère qui, finalement, bien que obsédée par le paraître, elle va d'appartements de plus en plus somptueux, de quartiers de plus en plus riches, elle est très mal fagotée, elle n'a pas le sens du raffinement, de l'élégance. Ce qui déplaît à son fils, finalement. Pourtant, elle lui achète tout un tas de nœuds. Oui, il a une collection de nœuds papillons. Et son père considère que l'uniforme à l'académie de danse où il va, qui est bleu, ne va pas à son fils. Donc, il lui fait tailler un costume noir. Donc, Fitzgerald est singulier dès le départ dans son groupe de danseurs. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Francis Scott Fitzgerald avec vous, Liliane Kerjean. Fitzgerald qui a dès l'enfance le culte de l'excellence. C'est quelque chose qui va rester très très ancré chez lui et qui va sans doute le faire souffrir. À quoi ça pas se voit ça? Pas seulement. Le culte de l'excellence, d'une part, on disait que c'est un dandy. Il sait très bien danser. Ce qui, évidemment, va être très utile dans ses conquêtes mondaines, et puis dans son art de plaire et sa séduction, et dans les fêtes auxquelles il va assister, aussi bien à Paris que sur la Côte d'Azur et à Long Island. Mm-hmm. Donc, comme Truman Capote, il est aussi très tourné vers la société, la mondanité, le plaisir. Oui. Alors, il se met à écrire quand même relativement très tôt. Très tôt. C'est un enfant précoce qui commence à écrire dès les premières écoles. Il tient son journal de bord à partir de 1909, donc il a que 13 ans. Il ouvre un livre des pensées, en toute modestie. Et puis son premier texte littéraire est une histoire policière qui paraît à la Saint-Paul Academy. Mm-hmm. Donc il ne doute de rien, et, adolescent, il écrit déjà. Et dès qu'il va dans une école, ensuite il va aller chez les bons pères dans le New Jersey, et bien de la même façon, il est publié immédiatement dans le journal de 1911, et il a le prix d'éloquence et le prix de diction, ce qui n'est pas mal non plus pour un auteur. Mmh. Alors, il s'intéresse aussi au football. Oui. C'est moins attendu, mais enfin, c'est le cas. Il n'est pas très fort, il faut bien dire ce qu'il est. Il est humilié. Mais en tous les cas, il faut noter qu'il cherche absolument à briller dans tout ce qui pourrait lui permettre d'avoir une espèce de surface comme ça, qui est une surface sociale, en fait. Ah oui, il entreprend le football. Il est un peu déçu quand il est au collège parce qu'il n'est pas très bon. Mais... pour autant, il n'est pas rebuté. Et ses choix vont toujours être l'excellence, si bien que lorsqu'il est pris à Princeton, ça c'est assez amusant comme anecdote aussi, parce qu'il est recalé au départ à Princeton, eh bien il ne se démonte pas, il fait appel. Et tout seul, puisque son père n'est plus là, sa mère ne s'occupe pas vraiment de ça, eh bien, et il passe un oral de rattrapage, et il est brillant. Et finalement, le jury l'admet. Alors, il envoie un télégramme à sa mère en lui disant « Envoie-moi vite mes affaires de football. » Oui. Si vous voulez aller à Princeton, c'est peut-être pour l'équipe de football. Oui. Mais c'est aussi parce qu'il y avait là-bas des clubs qui sont des clubs très littéraires et qui l'intéressaient aussi beaucoup. Alors, Princeton, il en tire le meilleur parti et ça le fait aussi réfléchir sur sa position sociale. D'une part, il aborde les riches. Il entre finalement dans l'élite de l'Ivy League et des collèges huppés, mais il s'aperçoit qu'il est pauvre. Il s'en était un peu aperçu à l'école de danse parce que ses camarades arrivaient avec des chauffeurs et des voitures, avec des livrées, etc. Donc ça lui avait laissé à penser qu'il y avait des très riches, comme on dit aujourd'hui. Mais finalement, il se jette dans la littérature à Princeton. Alors, il convoite absolument tous les clubs littéraires. Alors, le Tigre, qui est la revue du local. Qui est aussi l'emblème de l'université. Voilà. C'est aussi le magazine littéraire Nassau. Il est au comité de rédaction du Triangle. Et il vise un club. Et finalement, il est élu au club Cottage. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il ne travaille pas beaucoup pour ses études. Il passe son temps à rédiger de nuit, de jour. Il prend des pseudos s'il faut pour pas signer tous les articles. Il fait l'édito, il fait les pages qui manquent, il écrit des poèmes. Donc, ses bulletins scolaires s'en ressentent. Donc, c'est vraiment les meilleures années de la vie de Fitzgerald, finalement, ces années à Princeton. C'est là où il est le plus heureux, peut-être le plus lui-même. Oui, il est heureux parce que, bon, il compose l'hymne du collège, enfin de l'université. Il compose aussi la pièce annuelle. Il joue dedans et il joue même en femme une année avec des voiles et ainsi de suite. Et cette photo fait le tour, évidemment, du campus et lui donne une certaine notoriété. Donc, il a toujours aimé le théâtre, le rôle, le déguisement. Et finalement, Princeton lui plaît parce qu'il y a toute cette tradition, les murs de lierre, les professeurs, le prestige. Et il a un ou deux alliés parmi les professeurs. Il a un épisode de mauvaise santé, ce qui, d'une certaine manière, va tomber à pic, puisqu'il va être obligé de s'absenter 9 mois pour début de tuberculose, ce qui couvre le fait qu'il n'aurait peut-être pas été admis dans l'année suivante. Mmh. La tuberculose, c'est quelque chose qui va rester un problème pour lui oui. toute sa vie, Liliane Kerjean. Alors, il y a le premier roman, ça s'appelle L'Envers du Paradis, enfin, en tout cas dans l'une des traductions, oui. il y en a plusieurs. Et L'Envers du Paradis, c'est véritablement ses années à Princeton, et son personnage d'Amory Blaine lui ressemble beaucoup, c'est quasiment lui. Oui, c'est un double, mais ça, c'est le début de, d'une sorte de, d'autobiographie constante, parce que les nouvelles qu'il va vendre de plus en plus chères, sa cote de nouvelles va être multipliée par 5 au Saturday Review, ce qui est considérable. Au fond, c'est souvent des faits divers ou des faits de ses voyages ou des faits de sa vie ou de ses voisins. Donc ça, c'est un trait marquant chez Fitzgerald. Sa vie privée entre dans... l'inspiration de ses écrits. Et du coup, c'est très intéressant de le lire pour avoir une idée de quel genre de personne il était justement à cet âge de sa vie. Et notamment, il explique que c'est un personnage très arrogant, Amory Blaine, qui souffre d'ailleurs un petit peu de cette arrogance, qui fait son malin. Et c'est amusant d'imaginer le regard critique que finalement Fitzgerald porte sur lui-même, tout en restant lui-même arrogant et faisant son malin. Oui, parce que il espère finalement une certaine notoriété. Il a Princeton, ce qui fait qu'il peut aussi en parler avec une sorte de dédoublement. Et puis il va être réinvité à Princeton, on va faire des fêtes en son honneur, où il se tient assez mal parce qu'il boit trop. Déjà. Donc quelquefois on est obligé de le sortir par l'arrière. Mais de toute façon, l'idée c'est la reconnaissance, la transgression aussi. Donc, comme on ne peut pas boire sur le campus, il s'arrange pour sortir à New York, il s'arrange pour aller dans des petits troquets, etc. En tout cas, il est sûr d'avoir, dit-il, assez d'avance pour récolter à la fin de sa vie une petite immortalité. Et ça, il le dit oui, alors déjà, qu'il a 20 ans. Oui, déjà, il est préoccupé par le temps qui passe et l'immortalité, bien sûr. Mais que serait Fitzgerald sans Zelda Sayre, qu'il rencontre justement à cette époque-là? C'est la question qu'on va se poser après avoir écouté un extrait de L'Envers du Paradis, où on trouve le personnage de Rosalind qui peut bien être, d'une manière ou d'une autre, Zelda. Et voilà qu'entre Rosalind. Rosalind est intégralement Rosalind. L'une de celles qui n'ont jamais à fournir le moindre effort pour que les hommes tombent amoureux. Cela se produit rarement pour deux types. Les sots qui ont peur de son intelligence et les intellectuels qui craignent sa beauté. Tous les autres sont siens de droit divin. Si Rosalind pouvait être gâtée, ce serait chose faite. À la vérité, son comportement n'est pas tout à fait ce qu'il devrait être. Elle veut ce qu'elle veut quand elle le veut. Et elle tendrait à rendre la vie infernale à tout son entourage quand elle ne l'obtient pas. Mais au sens propre, elle n'est pas gâtée. La fraîcheur de son enthousiasme, son désir de mûrir, d'apprendre, sa foi inlassable dans le caractère inépuisable de l'amour, son courage et son honnêteté fondamentales, rien de tout cela n'est gâté. La compagnie des auteurs et cette lecture par Guillaume Gallienne d'un extrait de L'Envers du Paradis. Liliane Kerjean, qu'est-ce que vous en retenez? D'une part, le prénom de Rosalind, qui est un prénom shakespearien, de la même façon que Zelda, un prénom très romanesque choisi par sa mère. Donc, il y a une parenté entre les deux. Il y a du Shakespeare, de toute façon, chez Fitzgerald, de manière très évidente. Bien sûr, et en même temps, cette magie de Shakespeare, et puis... Ce côté dédoublement, mais au fond aussi, elle veut ce qu'elle veut. Et ça, ce sera un des écueils du couple, c'est-à-dire pendant longtemps, elle est très flattée d'être la femme d'eux, lorsqu'il est très brillant, d'abord à New York et ensuite sur la Côte d'Azur et après Gatsby. Mais au bout d'un moment, elle ne veut plus être cela seulement. Et elle veut vivre pour elle-même, elle veut devenir danseuse, elle veut publier elle aussi. Et ça sera une difficulté entre eux. On en parlera beaucoup tout au long de cette semaine de Zelda, et notamment jeudi avec Gilles Leroy, mais on peut déjà expliquer qu'ils se rencontrent en 1918. Donc lui, il a 22 ans, elle a 18 ans. Il s'ennuie totalement, puisqu'en fait, il a quitté Princeton à bas bruit, avec le rêve de partir s'engager et de défendre l'Amérique et de traverser l'Atlantique. Et d'être un héros. Et d'être un héros. Donc il attend patiemment sur son campement qu'il soit muté. Il va être muté à New York et finalement son bateau ne va pas partir. Alors, il arrivera de toute façon après la bataille. Voilà. Alors il est dans cette période d'attente où il a échoué partiellement à Princeton du point de vue universitaire, même pas du point de vue littéraire. Et donc il s'ennuie et il tombe sous le charme d'une créature hors du commun qui est Zelda. Et Zelda est une danseuse émérite, elle est très sûre d'elle, elle fait jouer des solos par l'orchestre pour se produire, elle fait la roue, etc. Donc elle est très délurée pour l'époque. C'est la fille d'un juge de la Cour suprême de l'État, donc une famille assez austère. Et pourtant, les aviateurs tournent au-dessus du toit, font des vrilles, etc. Donc Zelda, c'est la reine de l'Alabama, se dit Fitzgerald. Voilà. Et mais pour remporter Zelda, c'est pas si simple. Il faut mériter Zelda. Et c'est seulement après la publication et le très grand succès de ce premier roman qu'il va enfin reconquérir Zelda, qui avait rompu les fiançailles. Et elle ne voulait pas vivre un quotidien, une routine un peu pauvre et mesquine. Donc il lui fallait un homme de succès. Voilà, elle sera servie, son quotidien sera pas du tout un quotidien fait de routine. Le mariage a lieu le 3 avril 1920, alors il n'y a personne. Il n'y a personne au mariage, les deux familles se désengagent d'une certaine manière. Ouais. Et puis là, c'est le début de la grande vie et de la course à l'argent, Liliane Kerjean, parce qu'il va toujours falloir qu'il y ait de plus en plus d'argent. Il va falloir plus en plus d'argent parce qu'ils deviennent petit à petit le couple culte. Ils habitent d'abord à l'hôtel et donc ce sont des visites, des robes du soir. Elle est très désinvolte. Par exemple, elle accroche la poignée de l'ascenseur avec la cravate de Scott pour avoir toujours l'ascenseur à disposition. Alors finalement, ils se font jeter de l'hôtel, ils vont dans l'hôtel suivant, ils prennent leur repas au Plaza. Donc tout ça est très dispendieux. Et même si ces nouvelles se vendent de plus en plus cher et s'il a le succès du premier roman, un jour ils vont au cinéma, puis tout d'un coup ils cherchent dans sa poche et ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus trop d'argent. Donc l'argent, c'est quand même un souci constant. Oui. Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'on le voit comme un dépensier, un dandy, mais c'est aussi quelqu'un qui doit subvenir aux besoins de sa femme et bientôt de sa fille. Et finalement, il y a quelque chose du bon père de famille, Absolument. Presque, dans la façon dont Fitzgerald doit vendre des nouvelles. Il doit en vendre au moins deux par mois pour pouvoir assurer le train de vie de sa femme et de sa toute fille. Toute sa vie, finalement, il est un tâcheron, d'une certaine manière, qui court après l'argent, qui court après ses droits d'auteur et qui est rempli des livres de comptes au centime près. Oui, mais des livres de comptes, quand on mène grand train, ça donne une indication. Mais quand ils sont à Long Island, ils ont 3 domestiques. Ils ont une Rolls coupée d'occasion, mais quand même. Ils vont sans cesse à New York. Ils vont dans les boîtes de nuit. Et bien sûr, ils dansent beaucoup. Ils boivent beaucoup. Donc, ils mènent grand train. Donc, tout ça est très coûteux. Et Long Island est très coûteux aussi pour vivre, parce que ce sont les nouveaux riches qui s'y installent. Mm-hmm. D'ailleurs, à Long Island que se tient l'intrigue de Gatsby. Voilà. Alors, on sent évidemment chez Fitzgerald, un mélange d'angoisse et de dérision, une façon de regarder lointainement les choses, mais sans pouvoir totalement se détacher de cette fêlure qu'on sent déjà poindre. Bien, il est tout à fait conscient du fait que sa situation est précaire. La précarité, c'est une de ses données de base aussi. Le temps qui passe, l'ambition. Et il y arrive partiellement, mais il se rend compte qu'il se dissout. Et cette espèce d'effervescence constante qui est liée à aussi une surenchère pour rester le couple qui a les faveurs des journaux. Ils vont faire un double portrait, la presse Hearst va les photographier en double portrait. Donc tout ça demande un investissement de tous les instants. Donc la méticulosité, le calcul des effets, l'argent, la disponibilité. Et cette disponibilité va aussi lui manquer quand il va falloir faire un travail de fond, ce qui explique que pendant très longtemps, il écrit des textes courts et des nouvelles. Parce que ça, il peut faire en quelques heures, presque pendant la nuit, pour le lendemain. Et c'est la première fois qu'il va vraiment se concentrer sur un travail, ce sera Gatsby. Mais les nouvelles sont aussi des esquisses au roman. Bien sûr. Et au fond, les intrigues se recoupent, les couples qui se défont, les regards et les trahisons qui vont arriver dans sa vie privée aussi. Tout ça est anticipé d'une certaine manière. Et les excès, à la fois les excès des femmes, leur côté un peu inatteignable qu'on voit si bien dans Gatsby. Gatsby va être aussi un amant déçu. Mmh, ce n'est quasiment que cela d'ailleurs. Le deuxième roman, c'est Les Heureux. Les Heureux et les Damnés. Et les Damnés. Ça, c'est un titre magnifique. Alors, c'est presque chrétien, ça, comme titre. Oui, mais il sort des conseils du bon père Sigourney Frey, qui va lui... C'est qui, Sigourney Frey? Alors, donc, ça, c'était le principal professeur de son collège du New Jersey, qui ne va pas le lâcher, qui va rester son mentor, et qui, à un moment, lorsqu'il est en difficulté au sortir de Princeton, lui propose même une mission, mais ça ne va pas se faire. Mais c'est pour dire qu'il va rester très proche de Fitzgerald, qui portera le deuil de cet homme bon et valeureux, et qui lui enseigne à la fois le grec, le latin, les références, et aussi un code moral catholique. Mmh. Il a d'ailleurs eu, je crois, le projet d'un roman catholique qu'il aurait situé en 1885 entre New York et le Midwest. Il s'en était ouvert à son éditeur et puis finalement ça n'a pas abouti. Oui, eh bien son éditeur a aussi son quant à soi. Il a été extrêmement aimable au moment du premier roman qu'il a accepté, fait corriger et finalement pas publié. Tout ça pour le maintenir dans sa créativité. Et leurs rapports entre éditeur et auteur sont intéressants parce que ils se font confiance. D'une part, l'éditeur lui fait beaucoup d'avances d'argent, donc il vit un peu à crédit toute sa vie. Mais aussi, Fitzgerald est très concerné par la qualité de la littérature américaine. Et ses modèles sont, par exemple, O'Neill, ce qui surprend. Mais en fait, il souhaiterait que la littérature américaine s'installe et produise au XXe siècle des œuvres de qualité. Alors il pense à T.S. Eliot, qui va être très proche de lui à un moment donné, et qui pense d'ailleurs, T.S. Eliot, que Gatsby, c'est le premier pas conséquent de la littérature américaine après Henry James, ce qui n'est pas un mince compliment. Mais Gertrude Stein, voilà, pourra dire des choses un petit peu similaires aussi, et en oui, saluant la sortie de Gatsby. Donc, il a comme ambition que la littérature américaine soit forte et qu'elle soit diffusée. Et il propose à Scribner, son éditeur, de lancer une collection populaire, mais de grande qualité, à $1, de manière à ce qu'il y ait un lectorat extrêmement vaste. Donc, il ne reste pas dans l'élite. Alors, il y a aussi, évidemment, un sujet qui a beaucoup d'importance pour Fitzgerald, c'est l'Europe. Et je vous propose d'écouter un extrait de Beau et Damné, ce deuxième livre de Fitzgerald, où il est question d'Italie. L'Italie. Le mot lui était devenu une sorte de talisman. Un pays où les intolérables angoisses de la vie tomberaient de lui comme un vieux vêtement. Ils iraient d'abord dans les stations balnéaires, et parmi les foules vivantes et bariolées, oublieraient les mornes corollaires du désespoir. Merveilleusement rajeunis, ils se promèneraient de nouveau sur la place d'Espagne au crépuscule, mêlés aux flots mouvants des femmes brunes et des mendiants en haillons, des religieux austères et pieds nus. La pensée des femmes italiennes l'émut vaguement. Lorsque sa bourse pèserait à nouveau lourd, le romanesque même reviendrait peut-être à tire-d'aile s'y percher. Le romanesque des canaux bleus à Venise, des collines de Fiesole, vertes et dorées après la pluie, et des femmes qui changeaient, se dissolvaient, se transformaient en d'autres femmes et sortaient de sa vie, mais demeuraient à jamais belles et jeunes à jamais. Pourtant, il lui sembla qu'à présent, son attitude serait différente. Toutes les épreuves subies, toute la tristesse et la souffrance lui étaient venues par les femmes. C'était quelque chose qu'elle lui infligeait sous des formes différentes, inconsciemment, presque fortuitement. Peut-être parce qu'elle le trouvait tendre et craintif. Elle tuait en lui tout ce qui menaçait leur souveraineté absolue. Il se détourna de la fenêtre affronta son reflet dans le miroir et contempla avec découragement le visage émacié, blafard, les yeux avec leurs croisillons de rides, tels des filaments de sang séché, la silhouette voûtée et avachie dont l'affaissement même attestait la léthargie. À 33 ans, il en paraissait 40. À 33 ans, il en paraissait 40, Liliane Kerjean, thème oui. récurrent hein, chez oui. Fitzgerald. Oui, la fuite du temps. Mm. Mais là, dans son évocation de Fiesole ou de Rome, etc., c'est donc l'année 1921. Et c'est une année faste parce qu'elle suit l'année extraordinaire, l'année rugissante, comme il dit, de 1920. 1920, c'est l'année par excellence de Fitzgerald. Il publie énormément, 5 nouvelles dans le Saturday Evening Post. La Fox lui achète un texte. Il sort le 2e tirage du roman L'Envers du Paradis. On fait des fêtes pour lui à Princeton. Et son roman, dont a lu l'extrait tout à l'heure, se paraît en feuilleton. Oui. Alors, est-ce qu'on peut considérer le rapport à l'Europe des Fitzgerald un petit peu de la même manière que le rapport d'Henry James avec l'Europe, c'est-à-dire quand même un sentiment d'une espèce de nirvana culturel, si on peut employer cette expression, et puis en même temps un sentiment un peu d'infériorité, un rapport quand même très étrange entre l'Américain et l'Europe où c'est quand même là-bas, enfin où c'est quand même là que se fait la culture à ce moment-là. C'est intéressant de les comparer tous les deux, mais James a fini sa vie en Angleterre. James a publié Les Ambassadeurs et il vient d'une famille de philosophes extrêmement lettrés, ce qui n'est pas le cas de Fitzgerald. Fitzgerald commence à être touriste lorsqu'il débarque la première fois en 21 en Europe. Il va à Londres, il est reçu par Churchill et il rencontre Winston Churchill, le fils, à table, Galsworthy, etc. Et puis il fait du tourisme sympathique, mais au fond, ce qui est important aussi, c'est qu'il a envie de revenir et de s'installer pour plus longtemps. Et là, ce sera beaucoup plus déterminant quand il reviendra sur la Côte d'Azur. Allez, on va continuer de parler de ce couple splendide et explosif que sont les Fitzgerald dans quelques minutes, Liliane Kerjean. Mais tout de suite, c'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, aujourd'hui avec vous Anne-Sophie Rouvelou de la revue Page des Libraires. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors, vous nous parlez de 3 romans, peut-être même 4 d'ailleurs si oui, on compte bien. Tout à fait. Le premier, c'est Tout cela, je te le donnerai. C'est un roman de Dolores Redondo et c'est aux éditions Fleuve. Exactement. Et donc, Dolores Redondo, on la connaît pour une trilogie de romans policiers qui se passait au Pays Basque. Et cette fois-ci, elle revient avec un roman qui n'est pas un roman policier, mais qui est extrêmement riche, dense et formidablement bien mené. On y fait la connaissance d'un écrivain qui s'appelle Manuel Ortigosa, qui est donc en train d'écrire, et qui va être interrompu par l'arrivée de 2 policiers qui lui annoncent le pire, c'est-à-dire que son mari vient de décéder dans un accident de voiture. Sauf qu'une fois le choc de cette douleur passée, il va se rendre compte, notre héros, que son mari lui a caché des choses, que son mari, donc Alvaro, était un marquis, qu'il appartenait à une puissante famille galicienne, cette région du nord-ouest de l'Espagne, et c'est exactement là que va se rendre le héros, justement, pour essayer de savoir un petit peu qui était son mari, et là-bas, il va se rendre compte que ce clan, cette famille fortement attachée à la religion et aux traditions, a énormément de secrets cachés. Ce qui est très intéressant, c'est, comme je le disais, on a des ingrédients du roman policier avec de nombreux rebondissements, des morts suspectes, mais c'est aussi un drame et une histoire d'amour. On est en Galice, donc là c'est une région qui est sauvage, qui est vraiment extrêmement attachée aux traditions, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le héros étant un écrivain, on a tout un travail justement de réflexion autour de ça, de qu'est-ce que ça représente pour un auteur de pouvoir s'exprimer comme ça par écrit. Et vous, vous êtes allé en Espagne pour rencontrer Dolores Redondo. Tout à fait, pour la rencontrer. Et donc, l'interview est donc dans le dernier numéro de Page. Et elle parle normalement de tout le travail de documentation qu'elle a fait pour parler de cette région qu'elle ne connaissait pas. Et elle était absolument passionnée et passionnante. Deuxième sélection, il y a 2 livres. C'est pour oui, ça que, en fait, je parlais de 4 romans. C'est Retombée de sombrero et Imprivé à Babylone de Richard Brautigan. Oui, Brautigan, donc Donc, ils sont parus donc dans un seul recueil entre guillemets qui est réédité hein, par Christian Bourgois. Et donc là, moi je retrouve tout ce que j'aime dans Brötigan, hein, c'est que c'est à la fois poétique et complètement déjanté. Très rapidement, pour le premier qui s'appelle Retombée de sombrero, donc je commence déjà à sourire parce qu'en fait on est avec un humoriste américain qui est en train d'écrire une histoire qui ne le satisfait pas du tout, mais qui est pourtant très délirante. C'est-à-dire qu'il raconte un sombrero qui tombe du ciel comme ça dans un petit village américain. Comme ça arrive parfois. Voilà, comme ça arrive parfois, et qui va mettre un bazar pas possible parce qu'il va y avoir carrément des émeutes. Ça va rendre les gens fous à cause de ce sombrero qui est tombé comme ça dans ce petit village. Et donc, on a cette première histoire, et en parallèle, on a le quotidien de cet écrivain qui est complètement sous le coup d'un chagrin d'amour. Et donc, il parle de cette ex-petite copine japonaise dont il est encore complètement amoureux. Et il y a extrêmement de mélancolie et de poésie dans ces passages parce qu'on voit ce qu'elle rêve, parce qu'elle est au Japon, etc. Et c'est extrêmement beau. Le second roman, par contre, qui s'appelle Un privé à Babylone, là, c'est une parodie de roman policier. Et ce qui est génial, c'est qu'on est donc avec un détective qui s'appelle Sicard et qui fait tout sauf enquêter. Pour lui, il rêve de Babylone où il est une sorte de détective avec énormément de succès, qui connaît l'amour, etc. Et donc, il pense même à en faire un feuilleton. Donc, on a, encore une fois, la réflexion sur l'écriture, etc., puisqu'on voit un petit peu ce feuilleton qui se déroule. Et donc, un beau jour, il a une belle blonde qui arrive, une cliente, qui, pour la petite anecdote, boit sans arrêt de la bière, mais ne va jamais aux toilettes, hein, ça le passionne. Et donc, elle va lui demander de dérober un cadavre dans une morgue. Ça va absolument pas se passer comme prévu. Il ne va y avoir aucune résolution à cette enquête. Hein, je vous préviens, on est dans une parodie complètement déjantée. Et voilà, c'est du Brötigan. C'est-à-dire que voilà, on a une écriture qui est vraiment très poétique, très mélancolique, et en même temps, on a des blagues potaches et on rigole. Et c'est chez Christian Bourgois, pour terminer, une bande dessinée qui s'appelle Serena. Tout à fait, ouais. C'est une adaptation d'un roman de Ron Rash, hein, l'écrivain américain. Et donc, je tiens à souligner aussi qu'on a le même duo pour cette bande dessinée qui est, habitué un petit peu à faire des adaptations et qui le fait très bien. Et donc, dans cette adaptation, c'est une sorte de thriller, en fait. Hein, ça se passe dans les Smoky Mountains en Caroline du Nord, en 1930. Donc, on est juste après la Grande Dépression. Et ici, on fait la connaissance d'un patron d'une exploitation forestière qui revient de Boston avec à son bras une jolie femme qui est sa nouvelle épouse et qui s'appelle Serena. Ouais. Serena, à partir du moment où elle va poser un pied dans ce village, il va y avoir des morts. Parce qu'en fait, Serena, pour le faire très rapidement, mais c'est vrai, c'est une incarnation du mal. C'est-à-dire qu'avec son mari, ils vont devenir de plus en plus avides de succès, d'argent sans cesse. L'exploitation forestière, ils vont transformer un petit peu leurs employés en esclaves, hein, parce que c'est-à-dire que s'il y a des chutes d'arbres, s'il y a des morsures de serpents, etc., c'est pas grave. On est dans l'époque post-Grande Dépression, donc la main-d'œuvre, elle est infinie. Voilà, donc ils vont exploiter ces gens. Et surtout, Serena, elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc pendant que son mari est un petit peu en train de soudoyer les hommes politiques, elle a un homme de main avec elle et elle va carrément tuer tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Bah, allons-y, pourquoi pas. Et l'adaptation est vraiment géniale parce que les auteurs ont vraiment saisi toute l'intensité du récit de Ron Rash et par rapport au dessin, c'est pareil. On est vraiment aux États-Unis, c'est très beau. Les auteurs, on cite leur nom, c'est Anne-Caroline Pandolfo. Tout à fait, au scénario. Terkel Richberg au dessin. Merci Anne-Sophie Rouvloup. Je rappelle que vous êtes libraire à la librairie Chronique de Cachan, qui va d'ailleurs bientôt déménager, mais il reste à Cachan, et rédactrice pour la revue Page des libraires. À très bientôt. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Et pour nous lancer dans la seconde partie de cette émission, je vous propose d'entendre une lettre de Scott à Zelda du 6 octobre 1939. Zelda, chérie, dans l'incertitude de la situation internationale où nous sommes ballottés, il m'est difficile de travailler. Je suis presque sans le sou. J'ai écrit des comptes pour Esquire, faute de temps, pour autre chose. Mon avoir en banque se réduisant à 100 dollars. Dès que j'ai le sentiment de prostituer ma plume, mon encre se fige et mon talent s'envole par-dessus les mots. Il a fallu retirer Gatsby des listes de la bibliothèque moderne parce qu'il ne se vend plus. Ça m'a été dur. Je sais que tu laisses des notes impayées, mais je tâcherai de les régler dès que possible. Je ne te demande qu'une chose, me laisser en paix avec mes hémorragies, mes espérances et ma volonté de conquérir en définitive le droit de te sauver, la permission de te donner une chance de retrouver le bonheur. Je voudrais te voir lire des livres, tu sais bien ces choses qui ressemblent à des cubes, mais qu'on ouvre d'un côté. Ta vie n'a pas été un succès, non plus que la mienne, mais nous n'avons pas peiné en vain. Il faut que Scotty réussisse. Or, cette année-ci est la plus importante de sa vie. Ce dont je suis le plus reconnaissant à mes pères et mères, ce sont mes 4 années à Princeton. J'aurais honte de ne pas en faire autant pour ma fille. Donc, pas question que Scotty abandonne. Je t'en prie, ne manque pas de le lui dire. Mille tendresses, Scott. Une lecture par Guillaume Gallienne. Liliane Kerjean, qu'est-ce qui vous frappe dans cette lettre ? Eh bien, d'une part, la tendresse qui ne se dément jamais entre eux. Sa grande fidélité, bien sûr. Et puis, comme on disait tout à l'heure, son dévouement. Il fait vivre tant qu'il peut ces deux femmes. Zelda lui coûte fort cher en clinique, en hôpitaux et en soins. Et puis Vassar, qui est le collège auquel il compte inscrire Scotty. Ouais. Donc, d'une part, il y a la crise de 29 et ses répliques. C'est aussi la crise personnelle des Fitzgerald. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans le destin de Fitzgerald, c'est son côté américain, comme vous disiez. C'est le sismographe de son époque. Il est à la fois un insolent dans la fortune quand il en a, en laissant des pourboires princiers. Et puis, il est également dans le dénuement. Et le personnage de Gatsby, qui est si inconnu, si étrange, dont on ne sait rien sur la fortune et comment il l'a acquise. On devine qu'il l'a mal acquise. Il l'a probablement mal acquise, étant donné ses fréquentations un peu douteuses. C'est toute cette époque charnière où il y a à la fois la prohibition, le boom industriel, la crise monétaire, qui se retrouve dans la vie conjugale et la vie personnelle de Fitzgerald. Et d'ailleurs, on peut même imaginer que c'est à cause de la crise de 29 que les romans de Fitzgerald vont moins se vendre, parce que finalement, il est très marqué par cette atmosphère des années 20, et il est l'écrivain de ces années-là, et d'une certaine façon, quand la crise va frapper, on n'aura plus envie de lire ces histoires de fêtes extraordinaires. Ça va le desservir, effectivement, parce qu'on voit en lui le fêtard, comme dans les fêtes de Gatsby, et on voit aussi celui qui a été sur la Côte d'Azur, qui a mené grand train avec les riches, avec le couple Murphy, avec les écrivains américains à la mode. Et donc, il connaît une période sombre où il paraît passé. C'est l'auteur des années 20. Et au-delà de la crise de 29, on tourne la page et on veut autre chose. Et il va en souffrir personnellement, bien sûr. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est sa postérité. Parce que cette éclipse-là dont il va souffrir et quand il va mourir très jeune, à 44 ans, de sa crise cardiaque à Hollywood, eh bien, il ne saura pas qu'il aura cette postérité. Et c'est un peu dommage pour lui, puisque, bon, on voit bien en France, il y a 5 traductions, la Pléiade, etc. Alors, il aura eu de nombreux témoignages, mais au moment de sa mort, donc des témoignages posthumes. Ce qui va faire une énorme différence aussi, c'est qu'il va être en 45-46 dans le pactage des armées. Et d'un seul coup, tous les GIs vont lire Gatsby. Et c'est un tirage énorme à 200 000 volumes. Oui, sans doute aussi dans toutes les écoles des États-Unis. Et oui, on a Gatsby classique au programme. Et oui, donc il va manquer de savoir cette postérité-là. Il va inspirer la mode, hein, les collections de mode de Ralph Lauren. Il va inspirer le cinéma avec des remakes de 4 ou 5 Gatsby qui sont toujours populaires. Il y en aura eu de son vivant aussi des remakes premiers au cinéma. Oui, c'est ça. Mais finalement, Gatsby reste sur les étagères, reste un classique et dément tous les mauvais présages et les mauvais passages qu'il a vécu. Gatsby, il l'a écrit en partie en France, justement, sur la Côte d'Azur. Oui, il l'a écrit quand il était sur la Côte d'Azur. Et là, il s'enfermait tous les après-midi. Il vivait de manière un peu monacale. Ce qui fait que Zelda s'est fait compter fleurette par un aviateur. Et là, Gatsby qui était si important pour lui, ça a été un ébranlement total. D'autant que c'est une histoire d'amour aussi. C'est une histoire d'amour, oui. Et d'amour à plusieurs, dans un sens. Oui, parce donc que... il fait renoncer Zelda à son bel aviateur français. Mais cette trahison va rester entre eux comme une blessure, une fêlure. Gatsby le Magnifique, donc pas un succès très important. Finalement, je crois seulement 20 000 exemplaires du vivant, au dans départ, tous les oui. cas, de Fitzgerald. En réalité, il n'a jamais pu sortir du style des histoires d'université qui avait fait son immense succès au départ, et on lui demande sans cesse de réécrire un petit peu ses premiers romans, mais sous forme de nouvelles. Oui, mais il veut à la fois se concentrer sur autre chose, mais il a toujours la même fascination. Son roman posthume, Le Dernier Nabab, c'est aussi l'histoire d'une réussite flamboyante. Et c'est évidemment son observation du monde d'Hollywood où il va finir sa vie comme scénariste, c'est-à-dire comme tâcheron. Mais tous les auteurs seront passés à Hollywood. Enfin, c'est vrai pour Faulkner qui était assez pauvre et sans le sou quand il était à Hollywood et qui faisait de la basse copie aussi de scénario. Et c'est vrai pour des grands auteurs. Truman Capote a été aussi à Hollywood et a essayé de mettre un scénario sur le texte de Gatsby et n'a pas réussi, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Pour c'est très difficile sans doute à adapter parce que c'est sans cesse fait de retour en arrière. Et la construction de Gatsby, c'est une horlogerie assez complexe. Oui, avec le narrateur aussi. Et puis, et finalement, toujours, en particulier dans les films, là, cette dernière scène où les très riches emporte la mise avec un cynisme absolument effroyable. Là où il est aussi un peu le fruit de son époque et le reflet, le miroir de son époque dans Gatsby, c'est quand il représente les années d'après Première Guerre mondiale, avec la fraude, les milieux new-yorkais, la mafia qui est à peine esquissée, mais qui prend sa source dans des personnages qui sont des personnages réels, et notamment ce chef du milieu new-yorkais qui s'appelle Arnold Rothstein, que Fitzgerald, sans doute, alors n'a pas connu personnellement, mais enfin c'était un personnage dont on parlait à son époque. Oui, il a connu des personnages un peu semblables, d'une part parce qu'il avait ses propres approvisionneurs en liqueur et en whisky, donc au moment de la prohibition. Et puis, les fêtes qui étaient données à Great Neck impliquaient qu'il y ait quand même des passages un peu souterrains pour amener tout cet alcool. Donc, il a certainement côtoyé ce genre de personnage, mais sans s'y attarder. Mais finalement, il est fasciné par ce double jeu, comme d'habitude. Il est très fasciné par l'ambiguïté, la précarité, le... Oui. Et les milieux interlopent, finalement, la fêlure réapparaît. Écoutons justement un extrait de ce récit, la fêlure, qui est finalement le récit de sa dépression, lu ici par Denis Roche. Il y avait eu un temps où beaucoup de gens s'étaient appuyés sur moi, étaient venus à moi, quand ils s'étaient trouvés en difficulté ou m'avaient écrit de très loin, qui avait cru implicitement à mon opinion et à mon attitude devant la vie. Il faut bien que le producteur des pires platitudes, ou que le Raspoutine le plus dépourvu de scrupules, qui influence la destinée de tant de gens, ait quelque individualité. Si bien que la question devint, comment trouver pourquoi et en quoi j'avais changé? Où se situait la fuite par laquelle s'était à mon insu écoulée goutte à goutte, régulièrement et prématurément, ma vitalité et mon enthousiasme? Une nuit d'épuisement et de désespoir, je remplis une mallette pour faire 1200 kilomètres et aller réfléchir. Je pris une chambre à $1 dans une morne petite ville où je ne connaissais personne, et j'engloutis tout l'argent que j'avais sur moi dans un stock de conserves de viande, de biscuits et de pommes. Mais que je ne vous fasse pas croire que le passage d'une existence un peu suralimentée à un régime comparativement ascétique ait eu quoi que ce soit d'une quête de la grandeur. Je voulais seulement la tranquillité absolue pour décider pourquoi je m'étais mis à devenir triste devant la tristesse, mélancolique devant la mélancolie et tragique devant la tragédie. « extrait de La Fêlure lu par Denis Roche. Que retenez-vous de cet extrait ? Il passe du faste à la 16, il passe de la brillance à l'ombre. Il en est très conscient, mais il a eu ses périodes de repli et de solitude. Il a eu deux retraites où il avait fait hospitaliser Zelda. Et finalement, il vit seul à la fin de sa vie, pratiquement. Parce que Zelda en effet, on ne l'a pas dit encore, mais est atteinte de schizophrénie, c'est ça ? Elle est schizophrénie, et puis en plus, les médecins se sont beaucoup interrogés sur ses crises, sur son eczéma, sur son instabilité. On a essayé de la faire sortir à plusieurs reprises. Vers la fin de sa vie, elle allait de temps en temps chez sa mère. Mais il n'empêche que il vivait simplement en épistolier tous les deux. De toute façon, c'est un grand épistolier. Il l'a toujours été. Mmh. Il écrivait même tout petit à sa mère, à sa sœur, des lettres de 10 pages. Oui. Ça a toujours été quelque chose qui a tenu. Il a écrit beaucoup à sa fille. Et à sa fille aussi. Sur ses projets, sur ses programmes. Prends tel cours, ne prends pas tel autre, ça ne te servira à rien. Mmh. Il lui fait aussi un peu de morale en lui disant, tu sais, toutes les erreurs de jeunesse se paient très très cher. Et là, il est orfèvre en la matière. Et donc, il est très très proche de sa fille. Alors, il y a un certain nombre de testaments, on pourrait les appeler comme ça, de Fitzgerald. Vous citez par exemple l'autobiographie qu'il a fait paraître dans le New Yorker le 25 mai 1929, Liliane Kerjean. Ça, c'est une autobiographie un peu potache, un peu provocatrice. Toujours, lorsqu'il fait aussi une sorte de catalogue de ses voyages, c'est à coup de 20. Donc, il est capable de citer tel soir à tel hôtel du Chablis, tel autre soir du Champagne et de telle marque. Donc, c'est un peu provocant, c'est un peu drôle aussi. Il se pose en épicurien, d'une certaine manière, et puis en vagabond. Oui. Mais ça fait partie du mythe littéraire qu'il est en train de créer autour de lui-même et de Zelda. En épicurien, mais il n'hésite pas non plus à se confesser. C'est quelqu'un qui dit toujours la vérité, Fitzgerald, et y compris sur lui-même, notamment dans cette espèce de confession justement qu'il a publiée le 4 mars 1933 dans le Saturday Evening, intitulé « Sans faux départ ». Je ne sais pas si vous avez en tête ce texte-là, Liliane Kerjean. Oui, et c'est intéressant qu'il d'abord parle de faux départ, puisque... De toute façon, ça implique qu'il y a un échec à l'arrivée et que finalement il a mal mesuré l'environnement et le contexte et qu'il repart à chaque fois. Et ce qui m'intéresse dans Fitzgerald, c'est cet enthousiasme de départ et ce rebond perpétuel qu'il espère et qu'il a à cœur de faire vivre. Et les dernières périodes, même si elles sont tristes, finalement c'est une sorte de reconquête et d'apaisement. Alors, un apaisement qui prend place quand même pour partie à l'hôpital Johns Hopkins, où il est suivi pour alcoolisme. Entre 1933 et 1937, il va de consultation en consultation, en internement même. Il subit aussi des fièvres à cause de sa tuberculose. Pour reprendre le titre de l'un de vos chapitres, c'est tout de même l'enchanteur désenchanté à ce moment-là. Oui. Mais finalement, moi, je préfère l'enchanteur plutôt que le désenchanté. Parce que ce qui nous reste lorsqu'on va dans les librairies, lorsqu'on voit les rayons de livres, Fitzgerald est toujours là. Et Gatsby nous enchante. On peut prendre n'importe quelle page de Gatsby ou n'importe quelle nouvelle. Il est d'ailleurs très au point sur à la fois sa littérature alimentaire et sa littérature artistique. Il adorait les librairies. Hein. Je crois que vous il avez une citation les librairies, de Fitzgerald il décrit, sur les librairies. La librairie dans La Sorcière Rousse, employée à la librairie de la Plume de Lune, que vous connaissez peut-être, juste après le coin venant du Carlton, dans la 47e rue. La Plume de Lune est une petite boutique très romantique, dont le radicalisme était admis et l'obscurité reconnue. L'intérieur était jalonné d'affiches, oranges et rouges, d'esprits follement exotiques. Les reliures luisantes des éditions de prix contribuaient autant à l'éclairage que le vaste abat-jour de satin pourpre qui se balançait au centre, allumé du matin au soir. C'était assurément une librairie accueillante. Les mots « la plume de lune » étaient inscrits au-dessus de la porte en une sorte d'arabesque de broderie. Les vitrines avaient toujours l'air pleines de quelque chose qui n'avait pas dû passer la censure très à l'aise, des volumes aux couvertures d'un orange intense présentant leurs titres dans un carré blanc. Sur l'ensemble planait une odeur de musc que M. Plume de Lune, habile et impénétrable, faisait vaporiser partout, parfum qui évoquait à la fois la Curiosity Shop de Londres de Dickens et un café sur les rives tièdes du Bosphore. Merci beaucoup Liliane Kerjean. On va se quitter sur cette lecture. Je rappelle que votre bio de Fitzgerald a paru en 2013. Elle est disponible chez Albin Michel. Vous êtes également l'auteur, entre autres, d'une biographie d'Abraham Lincoln, parue celle-là en 2016 chez Folio Biographie. Demain, nous serons en compagnie d'Elisabeth Bouzon-Villers pour explorer encore davantage les grands thèmes de l'œuvre de Francis Scott Fitzgerald. Mais tout de suite, c'est le moment de la poésie et c'est avec Jacques Bonnafé. Bonjour, cette semaine nous la passons avec Patrick Lopin. Il réside à Lyon, c'est un poète considérable, on peut le juger par les prix nombreux qu'il a reçus, dernièrement le prix Gonzo qui lui sera remis au Festival des Étonnants Voyageurs, mais on peut le juger aussi par la fidélité de son éditeur, La Rumeur Libre, qui a décidé de remonter l'œuvre, et ça représente des livres et des livres de poèmes, des livres de rencontres dans les écritures. Nous commençons avec La Blanche Autarcie des Douleurs. Je prends des notes toute l'année. Le désolage, le patatier, où sont passés mes ennemis? Elle attaque à combien le bébé? Parole lancée de sous la table par Samuel et Louis. Ces gosses, ils posent des choses en vous. Ce sont des créatures agiles, volte-face, tourne-main, mi-démon, mi-génie. Et vous, de votre côté, si vous n'avez personne avec qui parler, pour accueillir, contrer, barrer, la poussée fiévreuse et délirante des folies et des morts, des mutismes et des culpabilités qui poussent comme du chien dent, vous êtes envahis, paralysés comme par le poisson torpille de Socrate qui hypnotise le beau parleur. Vous êtes pris de plein fouet dans la répercussion sentimentale, et comme ils le disent si bien, c'est alors la première page du livre de ton monde envahi par le fou. Journal de bord, l'indicible et l'ex-disciple. Il m'est venu un terme pour qualifier ces expressions. L'ex-disciple, c'est l'énigme du dedans qui vient parler en plein dehors. Il faut que quelqu'un accueille ce déport. En exergue un mot de Joseph Biallo à propos des rescapés des camps qui étaient des schizophrènes, l'esprit rendu, l'âme brisée, car tous les revenants sont en quelque sorte atteints d'autisme. J'écris pour eux. Je recueille les paroles qui fusent à la volée. Beaucoup imaginent que la psychanalyse consiste à aller chercher et déchiffrer dans le fond occulte les fins des fins de la vérité du sujet. Je ne vois pas ça comme ça. Ça consiste plutôt à laisser parler l'imaginaire pour que la sanction du symptôme tombe d'elle-même. Quand je rencontre ces enfants, je ne m'arrête jamais à la nosographie, qu'on les désigne bipolaires, dysphasiques, dyspraxiques, troubles de l'attention, autistes, je n'en tiens pas compte. Autre exergue au début du livre. Les mots sont des formules magiques. Ils laissent dans les cerveaux des empreintes digitales capables de se transformer en un tour de main en traces de pas. Celle de l'histoire. Il faut prendre garde à chaque mot. Au début des séances, ça part très bas, dans la langue orale enfantine. Trectonien, Babil, c'est loin, là-bas. Tout en bas, dans le corps physique et sensoriel du monde, mangé par l'ogre des mots. La course, la mer, les dés car mon âge, la traverse comme une foie, un zétou, un avion, une tourne, paro, pardo, parole, parode, super pouvoir, quelque chose tu es mort, la ruto, cipoulet, ut maruto, tu où? Oui, c'est ça. Écriture du super pouvoir de quelque chose que tu es mort. Traversée du chaos et de l'effroi. Je les suis. Il y a la première fois quand je leur parle, je leur explique l'atelier, poliment, ils m'écoutent, après ils ne supportent aucune parole d'explication en préambule. C'est nous, c'est qui ça regarde? C'est mon souvenir. Merci Jacques Bonnafé, vous consacrez vos lectures de la semaine au poète Patrick Lopin.